Tu fais partie de mes ex, je te voyais pas comme ça. T'as fait couler mes larmes, ça tu me payeras. Tu m'as trompé avec un pote, comment veux-tu que j'oublie ça? Tu m'as trahi et ça, tu te le pardonnes pas. J'écris ces textes avec mes larmes sur le papier. Je repense à ce mec, dans ton lit je peux plus te toucher. Je repense à ce mec, sans cesse, je suis même plongé dans le stress. Je veux plus te voir, tu fais plus partie de ma vie. On arrête là, j'espère que tu regretteras toute ta vie. Putain je te voyais pas comme ça, t'avais l'air d'une fille bien. Je voulais une relation sérieuse, ça avait l'air d'être tout toi. Mais je me suis trompé, comment faire qu'on fasse une fille maintenant? Je peux plus, je suis au bord du coup de cupide. On s'est bien moqué de nous parce que je croyais en nous, en notre histoire. Mais t'as tout foutu en l'air. Tu me disais que le mec t'avait forcé, je peux plus te croire. Plus te croire. Plus te croire. C'est une histoire d'un love, tout le monde connaît ça. T'as fait la mytho, parce qu'un gars, moi t'as vu avec dans le centre. Je pensais que nous deux, on avance dans le même sens. Mais je me suis trompé, ouais. Je veux que tu t'en veuilles, que tu t'en mords de les doigts. Tu pourras dire à tes copines que c'est terminé, toi et moi à présent célibataire. Je reconstruis ma vie seule, j'essaye de recoller les morceaux. Mais sans toi, je vais avoir du mal. Moi je t'aimais, mais c'était pas la bien la dernière fois. Parce que ma vie sans toi, personne la prévoyait. Tu disais que tu m'aimais, c'était des paroles en l'air. L'amour rend tellement fou que j'ai fini célibataire. L'amour rend tellement fou que j'ai fini célibataire. Tu fais partie de mes ex, je te voyais pas comme ça. T'as fait couler mes larmes, ça tu me payeras. Tu m'as trompé avec un pote, comment veux-tu que j'oublie ça? Tu m'as trahi ça, je te le pardonne pas.